premier temps d'une série de la Fabrique de l'Histoire sur l'Antiquité, au lendemain de l'inauguration du musée de la Romanité qui vient d'ouvrir à Nîmes, et avant, à la fin de la semaine, la tenue des seconds états généraux de l'Antiquité à Paris. Antiquité donc, à partir de ce matin. Demain, nous nous promènerons dans le nouveau musée de la Romanité de Nîmes. Mercredi, nous rendrons un hommage appuyé à Christian Goudineau, grand spécialiste des Gaulois récemment disparus. Et jeudi, nous traiterons justement de ces états généraux de l'Antiquité qui se tiendront en fin de semaine à Paris. Et ce matin, avec Victor Massé de Lépiné, qui animera cette émission avec nous, nous allons nous appuyer sur deux grandes synthèses récemment parues pour faire le point sur deux grandes cités antiques au destin opposé. Sparte d'abord, avec Nicolas Richer, qui dans Sparte, cité des arts, des armes et des lois, paru il y a 2 mois chez Perrin, met à jour nos connaissances sur cette cité qui domina une bonne partie du Péloponnèse pendant un long temps. Et puis ensuite, en deuxième partie de cette émission, Rome, cité universelle, titre collectif de la collection Mondes Anciens chez Belin, pour lequel nous recevrons Nicolas Tran, un des 3 auteurs, professeur d'histoire romaine à l'université de Poitiers. Bonjour Victor Massé de Lépiné. Bonjour Emmanuel. Bonjour à vous Nicolas Tran. Nous vous entendrons en deuxième partie de cette émission. Et bonjour à vous Nicolas Richer. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous venons d'entendre un extrait de l'épitaphe de Sikylos par l'ensemble Atrium Musicae de Madrid chez Harmonia Mundi, une tentative toujours désespérée mais toujours retentée à chaque fois de reconstituer la musique grec de l'Antiquité. C'est la même chose pour la musique romaine, peut-être avec plus de notation. Mais on en sait quelque chose de la musique qui était jouée à Sparte, puisque c'était, selon vous, dans votre livre chez Perrin, non seulement une cité des armes et des lois, mais c'était aussi une cité des arts. Est-ce qu'on sait quelque chose de cela, Nicolas Richer? Oui, on a effectivement quelques idées de la musique jouée à Sparte, mais on ne peut pas reconstituer des partitions, mais on sait qu'en particulier les Spartiates pratiquaient l'art des chœurs, et que les jeunes filles de Sparte, à l'époque archaïque, étaient censées participer collectivement à des représentations, des performances chorales. Et d'autre part, la musique avait aussi une fonction pratique sur le champ de bataille. Puisque Thucydide raconte que lors de la bataille de Mantinée en 418, il y avait sur le champ de bataille et dans les rangs des Spartiates des joueurs d'Aulos qui, par le son de leur hautbois, rythmaient la marche des soldats de façon que leur pas fût bien cadencé et que leur dispositif resta cohérent. Et pourquoi ne connaît-on pas cette partie-là de Sparte quand on en parle sans vous avoir lu d'une certaine façon, Nicolas Richer? Pourquoi a-t-on gardé justement cette idée d'une cité des lois, certes, des armes, bien évidemment, mais très peu une cité des arts? Or, vous citez des poètes nombreux, Tyrté en particulier, pas simplement. Vous citez un art spartiate, certes, beaucoup moins exploité, en tous les cas, que celui que l'on connaît pour d'autres cités de la Grèce antique, et en particulier Athènes. Mais néanmoins, il y a bien un art ou des arts qui se sont développés dans cette cité considérée généralement comme une cité militaire. Oui, effectivement, il y a plusieurs formes artistiques qui se sont développées à Sparte, notamment à l'époque archaïque, Et vous évoquiez à l'instant la poésie qui a été illustrée par Terpendre, Tirté ou Alcman, mais c'est aussi dans le domaine matériel que les Spartiates se sont illustrés, notamment au VIe siècle, et on compte de nombreuses fabrications d'artefacts, notamment en bronze, qui datent de l'époque archaïque, et aussi beaucoup de vases peints ont été fabriqués au VIe siècle. Avec tout de même une sorte de passage à vide, un moment où on voit beaucoup moins de ces artefacts en bronze en particulier, à partir de la fin du VIe siècle. On a l'impression qu'il y a un nouveau régime qui s'instaure dans cette cité qui avait développé, comme d'autres cités, peut-être plus précocement que d'autres, des arts en particulier de sculpture, et qui ne les pratique plus, ou en tout cas beaucoup moins ensuite. Voilà. Et Sparte est caractérisée par une certaine austérité à partir de la fin du VIe siècle. On ne sait pas exactement qui serait à l'origine de ce mouvement, ce qui doit revêtir un caractère collectif. On attribue parfois au législateur Lycurgue un certain rôle, mais Lycurgue serait antérieur, et ce serait plutôt un personnage qui pourrait être Chilon, qui au milieu du VIe siècle a, semble-t-il, joué un grand rôle politique à Sparte, et dont le rôle paraît coïncider avec cet accroissement de l'austérité connu par les Spartiates. Victor Massé d'Épinay. Oui, voilà, comme vous évoquez Lycurgue, peut-être qu'il faut en dire un mot, puisque c'est un personnage évidemment important dans cette qui a fait beaucoup pour cette réputation d'austérité que vous évoquez également. Lycurgue, pour les Spartiates, c'est une sorte de demi-dieu, pourrait-on dire. La Pythie de Delphes en a fait, l'a élevé au rang de demi-dieu, mais c'est quelqu'un dont l'existence historique est pour le moins incertaine. Parfaitement. Plus tard qu'au IIe siècle de notre ère, essaie d'écrire des vies des hommes illustres, et il écrit une vie de Lycurgue qu'il commence en disant que de Lycurgue, on ne peut rien dire qui ne soit douteux. Et il évoque le fait que certains de ses prédécesseurs qui se sont intéressés au personnage en sont venus, en étudiant le cas, à considérer que peut-être il y avait eu deux Lycurgues. Le nom même de Lycurgue n'est pas clair. On ne sait pas s'il désigne un personnage qui accomplit les œuvres, les ergas du loup, du lucos, ou si c'est quelqu'un qui repousserait le loup. Le loup, voilà. Qui protège du loup, quoi. C'est ça, du verbe ergo. Donc, s'il protège ou s'il imite le loup, on ne sait pas exactement. Ce pourrait être un personnage qui aurait été maître d'initiation, mais on ne sait pas exactement comment expliquer son nom. On ne sait pas exactement quand le situer, s'il a existé dans la chronologie, 9e, 8e, 7e siècle, les anciens eux-mêmes hésitaient. Mais c'est à lui que l'on rattache souvent les institutions de Sparte. Et Plutarque, dans la vie de Lycurgue, comme vous l'évoquiez à l'instant justement, rapporte que Lycurgue est censé être allé consulter l'oracle de Delphes. Et que cet oracle aurait approuver les institutions qu'il s'agissait de mettre en place. Comme l'oracle apollinien de Delphes semble avoir été actif vers 700, il aurait succédé à un oracle ou à un culte de la terre, eh bien, on pourrait considérer que ce serait à peu près à ce moment-là, donc au début du 7e siècle, que les institutions de Sparte auraient été mises en place. Et elles sont formulé notamment dans un texte qu'on appelle la Grande Rétra, qui est rapporté par Plutarque. Sans doute ce texte a-t-il été copié par Plutarque dans la Constitution des Lacédémoniens d'Aristote. Et ce serait un texte qui daterait du début du 7e siècle. Alors si les contemporains et tous ceux qui ont écrit sur Sparte ont été intéressés par cet endroit, ça n'est pas, dites-vous, pour les qualités architecturales de cette cité, qui d'ailleurs est une cité un peu particulière, puisque vous expliquez bien dans votre livre, Nicolas Richer, Sparte, cité des arts, des armes et les lois, chez Perrin, vous expliquez bien que il y a Sparte, mais Lacédémone est plus large, et que en fait il y a tout un tas de villes ou de villages qui sont adjoints à ce territoire de Sparte sur une assez grande surface, et que on n'a pas voulu d'ailleurs entouré Sparte de murailles, puisque il aurait fallu faire une muraille gigantesque qui aurait été difficile peut-être à entretenir. Et donc, il y a là une particularité par rapport à d'autres cités antiques, c'est-à-dire que ça n'est pas ramassé, Sparte, comme peut l'être la ville d'Athènes, par exemple, ou comme d'autres villes de l'Argolide. Ça n'est pas ramassé sur un tertre, sur une colline enserrée de murailles. C'est autre chose, Sparte, et cela aussi a surpris, d'autant que cette autre chose n'est pas parée des plus beaux bâtiments comme l'étaient d'autres cités antiques. Oui, alors vous évoquez là plusieurs traits caractéristiques de Sparte dans l'Antiquité. Sparte fait effectivement partie d'un organisme politique large qui est Lacédémone. Et Sparte est un ensemble politique, lui-même subdivisé en 5 sous-sections. Et dans cet ensemble politique existent des hommes libres, les Spartiates, qui sont citoyens de Sparte. Et du fait de l'évolution qui s'est produite à l'époque archaïque, Sparte a imposé son autorité à ses voisins, et notamment à des cités d'hommes libres, qu'on appelle des cités de périèques. Le nom périèque désigne des hommes qui habitent autour, et autour précisément de Sparte. Et ces hommes libres, à l'époque classique, obéissent aux ordres de mobilisation qui émanent de Sparte. Les Spartiates votent de faire la guerre, et ils votent qu'eux-mêmes feront la guerre, mais aussi que les Périèques feront la guerre. Par conséquent, on peut considérer que Sparte revêt un aspect démocratique, puisque les Spartiates décident eux-mêmes de faire la guerre, ils se décident collectivement, mais qu'en revanche, la Lacédémone revêt un aspect aristocratique, puisque les Spartiates, qui sont une partie des hommes libres de la Lacédémone, décident pour tout les hommes libres de la Lacédémone, y compris les Périèques, qui n'ont pas à voter, mais qui doivent simplement obéir, quoi qu'ils soient hommes libres, et qui doivent faire la guerre. D'autant qu'ils ont conquis une bonne moitié du Péloponnèse, et en particulier la fameuse cité de Mécène, très récemment retrouvée, pourrait-on dire, et même magnifiquement mise en scène il y a quelques dizaines d'années, un peu moins d'une quinzaine d'années, par les archéologues. Et donc, on a retrouvé Mécène, on voit la surface sur laquelle s'étend l'influence de Sparte, qui en fait d'ailleurs, dites-vous, et c'est là où on est parfois surpris quand on vous lit par rapport aux idées que l'on s'en faisait, Nicolas Richer, qui en fait une sorte de norme, pourrait-on dire, à suivre pour l'ensemble du monde grec. Vous dites à plusieurs moments que, y compris les Athéniens, se disent que la garante suprême de la Grèce, c'est Sparte, et ça n'est pas forcément Athènes. Alors, les Spartiates, effectivement, ont pris le contrôle du territoire voisin du leur. Le cœur de la Laconie, c'est au sud-est du Péloponnèse, leur a servi de base. Et à partir de là, ils ont rayonné, ils ont pris le contrôle du sud-est du Péloponnèse et aussi du sud-ouest, qui s'appelle la Messénie. Et Thucydide, à la fin du 5e siècle, caractérise la situation du Péloponnèse comme étant telle que 40% à peu près du territoire du Péloponnèse sont contrôlés directement par les Lacédémoniens. Mais les Lacédémoniens ont aussi effectivement établi un système d'alliance à partir sans doute des environs de 525 dans le Péloponnèse, un système d'alliance tel que leur influence est considérable. Et cela explique pourquoi, comme vous l'évoquiez à l'instant, Sparte peut paraître comme garante suprême, oui, de la liberté des Grecs au moment des guerres médiques, et en particulier au moment de la Seconde Guerre médique. Du fait de leur compétence militaire, de leur puissance politique et militaire, les Spartiates peuvent contribuer à organiser avec efficacité la défense des Grecs contre les envahisseurs perses. Victor Massel-Épinay. J'aimerais vous interroger, Nicolas Richer, sur les institutions de Sparte, puisque vous les avez très brièvement évoquées. On a parlé aussi de l'austérité, qui était une des grandes idées attachées à cette cité de Sparte. La vertu en est une autre, la vertu des institutions qui produisent le nomia, dont parle Aristote. Le nomia, c'est, on peut dire, le bon ordre législatif. Que ce soit Aristote, Xénophon, Thucydide, tous ces noms dont on a déjà parlé, s'accordent pour dire que Sparte est une cité dont les institutions sont vertueuses. Quelles sont-elles d'abord ces institutions? Et est-ce qu'avec quelques siècles de recul, on peut trouver qu'effectivement elles sont vertueuses? Oui, on peut sans doute distinguer d'une part le cadre institutionnel et d'autre part l'esprit vertueux dans lequel les hommes vivent dans le cadre de ces institutions. Alors, les institutions de Sparte sont caractérisées par l'existence d'une diarchie. Une diarchie, c'est un système de royauté double, puisque existe à Sparte concomitamment deux rois, l'un de la famille des Agiades, l'autre de la famille des Eurypontides, et ils sont tous censés descendre d'Héraclès, ce qui leur donne un prestige particulier et ce qui peut expliquer en particulier leur rôle militaire, parce que quand ce sont eux qui mènent les opérations, eh bien, étant donné qu'ils sont descendants d'Héraclès, on espère que leur commandement va être efficace. Et ça, c'est d'autant plus étonnant qu'effectivement, une cité gouvernée par deux souverains peut apparaître comme une cité où la division peut s'instaurer facilement. Mais en fait, vous nous montrez en permanence que l'équilibre a été maintenu entre ces deux souverains, Nicolas Richer. Ça paraît très étrange. Le système de la royauté double n'est pas absolument original dans le monde grec. On le connaît aussi en Épire. Et effectivement, le fait qu'il y ait deux rois peut être conçu comme étant une incitation à assurer l'équilibre des institutions, le nomia, le bon ordre, comme on le disait à l'instant. Et ce bon ordre se fonde d'ailleurs non seulement sur l'existence des deux rois, mais aussi d'autres éléments institutionnels. Et ce sont la gérousie, qui comprend 28 membres de plus de 60 ans, auxquels sont adjoints les deux rois. De ce fait, quand elle délibère, la gérousie comprend les 28 gérontes et les deux rois, donc 30 membres. Ce sont aussi les 5 éphores, dont le nom désigne des surveillants, qui, eux, n'ont pas un caractère viager comme les gérontes, mais un caractère annuel, puisqu'ils sont élus chaque année, sans doute, à l'équinoxe d'automne. Et le dernier élément institutionnel important est constitué par l'Ecclésia, qu'il ne faut sans doute pas appeler l'Apella. L'Ecclésia, plutôt, comme à Athènes, Xénophon parle très concrètement des enclétoïs, c'est-à-dire des citoyens convoqués pour se réunir en assemblée, et dont j'évoquais le rôle tout à l'heure, puisque ce sont eux qui décident de faire la guerre. Ils ne subissent pas une décision, ils décident eux-mêmes, à l'époque classique, qu'ils feront la guerre. Alors, il y a une particularité, dites-vous, et on est très bien renseigné sur ces institutions, parce que beaucoup d'auteurs ont écrit sur ces institutions, en particulier Xénophon, mais bien d'autres aussi. Il y a une particularité, c'est que les Spartiates sont en général considérés par d'autres Grecs comme des conservateurs. Pouvez-vous nous expliquer ce conservatisme des Spartiates qui serait d'une vertu, puisqu'elle permettrait de maintenir, selon les auteurs grecs, de maintenir une permanence, pourrait-on dire, dans le gouvernement de la cité, en étant fidèle aux plus anciens, à ceux qui ont été là avant vous, Nicolas Richer. Oui, alors le respect du principe de seigneurité est exprimé dans les institutions par l'existence même de la gérousie, puisqu'on désigne... Donc plus on est âgé, plus on est sage, d'une certaine façon. Parfaitement, parce que on est censé être plein d'expérience et avoir aussi la mémoire des événements passés et des solutions qui ont pu être trouvées dans le passé, dans des circonstances analogues à celles auxquelles on peut se trouver confronté dans le temps présent. Ce conservatisme foncier des Spartiates est aussi entretenu, d'après ce que dit Thucydide, par la peur d'une subversion sociale de la part des zilotes. Il faut dire, effectivement, nous n'avons pas encore cité le nom des zilotes, voilà. Effectivement, qui sont ces personnes qui exploitent la terre et qui rendent donc une partie du fruit de leur travail, pourrait-on dire, à ces familles qui dirigent, familles d'hommes libres qui dirigent l'Acédémone. Voilà. Et en 464 ou vers 464, s'est produit un séisme d'une importance considérable dans l'histoire de Sparte Pas un séisme social, un séisme terrestre. Un véritable tremblement de terre. Voilà. Et qui a provoqué des destructions très importantes, notamment à Sparte, a dû aussi provoquer la mort de nombreux Spartiates, de telle sorte que les Zilotes ont pu croire que l'occasion était favorable pour se révolter. Une révolte s'est produite, notamment en Messénie, qui a dû ensuite être réprimée. Et ces événements ont donné aux Spartiates pleinement conscience de ce que ils vivaient sous une menace constante. Et ils répugnaient donc à modifier l'état des choses existants, puisqu'ils étaient satisfaits des choses, l'état des choses existants, mais ils craignaient que quelques modifications que ce fût ne provoquât du désordre. Victor Massé-Lépinay. Xénophon a donc écrit sur la République des Lacédémoniens, et vous reproduisez dans votre livre, Nicolas Richer, le plan de Xénophon selon Pierre Chambry, qui est un grand traducteur de Xénophon dans les années 30. Et alors j'ai été frappé par ce titre de la sixième partie de la République des Lacédémoniens, qui est « Demi-communisme des Spartiates ». Peut-être que c'est ce mot-là, mais employé dans les années 30, qui m'a un petit peu attiré l'œil. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, peut-être en partant de là, les liens qui unissent les Lacédémoniens, donc les Spartiates, entre eux? Comment est-ce qu'on vit ensemble dans la République de Sparte? Nicolas Richer, pourquoi ce demi-communisme des Spartiates selon Pierre Chambry? Oui, alors vous évoquez effectivement une traduction courante, commode, de Chambry, de Pierre Chambry, le chapitre 6 qui est résumé, parce que les titres des chapitres ne sont pas liés avec Xénophon, le chapitre 6, la teneur du chapitre 6 est résumé par Chambry, ainsi, demi-communisme des Spartiates, deux points, ils commandent aux enfants des autres et se servent des esclaves, des chiens de chasse, des chevaux et des vivres, les uns des autres. Bon, c'est une évocation du fait que les Spartiates sont tous des hommes libres et qu'ils peuvent par conséquent partager l'usage de certains biens. Et d'autant qu'ils prennent des repas en commun, oui. Etc., etc. Mais alors, ce demi-communisme reste un demi-communisme parce que les Spartiates... Il y a de l'inégalité dans cette cité voilà, de Sparte. Tout à fait. Les Spartiates disposent aussi d'une sphère d'activité individuelle. Et chacun a sa maison propre, de telle sorte même qu'il semble qu'à l'époque classique, une certaine inégalité se soit développée entre citoyens, tous ne possédant pas des biens égaux à ceux des autres. On sait très bien que la Grèce antique, mais l'Antiquité en général, a servi de toile sur laquelle beaucoup ont projeté le film de leur fantasme, pourrait-on dire, récemment, mais également il y a deux siècles, au moment de la Révolution française. Effectivement, cette ville de Sparte, aujourd'hui assez décriée au profit d'Athènes, qui serait la mère de la démocratie, a longtemps été une cité considérée, Nicolas Richer, comme une véritable cité démocratique, avec ce service commun des hommes libres pour pouvoir faire la guerre ensemble d'une certaine façon. Et il n'a fallu que le XXe siècle pour renverser la tendance et faire de Sparte, peut-être à cause de la Prusse, peut-être à cause de l'Allemagne et du nazisme, en tout cas une cité abhorrée ou en tout cas qu'il ne fallait plus imiter, alors qu'il y avait eu auparavant une très forte volonté, y compris en République, et en particulier dans la Première République révolutionnaire, mais également pendant la Troisième République, on se posait souvent la question, entre hommes politiques, de savoir si on était Sparte ou si on était Athènes, et il y avait beaucoup de ces hommes politiques de la Troisième République qui étaient pour Sparte. Oui, alors il fallait choisir peut-être entre Sparte et Athènes, Sparte pouvant paraître un peu austère, une cité pleine de vertus et de dévouement à la collectivité publique, et Athènes étant une collectivité dans laquelle chacun pouvait peut-être d'abord veiller à son intérêt propre avant que de songer au dévouement qu'il devait manifester à la collectivité publique. Et de fait, cette opposition peut s'exprimer dans les sanctions qui frappent les citoyens qui ont failli à la guerre. À Athènes, c'est une atimie partielle qui frappe les citoyens et, bon, une fois qu'ils ont été privés de certains droits, ils peuvent continuer à vivre dans la société, semble-t-il, sans être particulièrement rejetés par leurs concitoyens. Alors que à Sparte, le tressas, le trembleur, les maîtres santes au pluriel, ceux qui ont tremblé, ces hommes donc sont visiblement rejetés d'une façon qui est décrite avec beaucoup de précision par Xénophon, de telle sorte qu'ils se retrouvent isolés de leurs concitoyens. Et ces deux attitudes, peut-on dire, distinctes, mais qui tiennent aussi de la nuance, parce que le procédé est le même. On rejette et on veut sanctionner celui qui a failli, mais on ne le fait pas de la même façon. Ces deux attitudes marquent en fait la différence qui peut exister entre Sparte, peut-être plus rigoureuse, et Athènes, qui est plus lâche, peut-être, qui étreint moins chacun de ses citoyens dans des carcan. Athènes leur laisse d'ailleurs le soin de faire leurs propres affaires, il y a des commerçants, etc., etc. Et vous nous expliquez bien que Nicolas Richer, que à Sparte, en tout cas, c'est beaucoup plus contrôlé, beaucoup plus entouré par un réseau de normes. Victor Vassel-Lépiné. Oui, un mot encore sur ce qui est peut-être une particularité de Sparte. La place des femmes que vous évoquez, Nicolas Richer, dans votre livre. Aristote déplore la place trop grande prise par les femmes dans la ville et dans le gouvernement, peut-être, de Sparte. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire brièvement ? Oui. Alors, la place des femmes est effectivement, semble-t-il, singulière à Sparte. Mais c'est pour plusieurs raisons. Ibicos de Region, déjà au VIe siècle avant Jésus-Christ, pouvait fustiger les jeunes Spartiates comme étant des phénomérides, c'est-à-dire des montreuses de cuisses. Parce que, sans doute, lorsqu'elles pratiquaient des exercices physiques, notamment la course, on apercevait cette partie de leur corps. Et de telles attitudes étaient rejetées ailleurs en Grèce. Mais cela, phainomai veut dire j'apparais, cela c'est du relais du domaine de l'apparence. Et plus profondément, une évolution semble s'être produite qui a abouti à une situation caractérisée par Aristote au IVe siècle, une situation telle que de nombreuses femmes détenaient des terres, et Aristote souligne que 40% des terres de son temps, c'est-à-dire vers 330 avant Jésus-Christ, des terres de Sparte, pouvaient être détenues par des femmes. Alors, on pourrait s'interroger sur la raison. Il peut y avoir toute une série de facteurs. Disons que déjà, si on retient ce qu'était peut-être le système d'évolution des biens à Sparte, et si il était analogue à celui de Gortyne connu en Crète, de toute façon, si un homme avait deux garçons et deux filles, les deux filles devaient hériter de la moitié de ceux dont héritaient les deux garçons. Donc elles devaient hériter de 33% des biens de leur père. Et cela était structurel. Mais le fait qu'on passe à 40% peut-être marquer le fait que Sparte tendrait à devenir gynécocratique, mais il y a beaucoup d'éléments qui vont aussi dans ce sens et qui peuvent expliquer de telles appréciations, et notamment la pratique de la polyandrie, qui est évoquée par Xénophon au début du IVe siècle. Une même femme pouvant avoir plusieurs hommes, c'est ça ? Voilà. Et sans doute que si une femme peut être unie à plusieurs hommes, elle peut être unie en fait à plusieurs hommes qui sont parents entre eux. Mais le résultat, c'est que l'influence des femmes peut paraître s'accroître, mais en contrepartie, les hommes spartiates disposent de moins de reproductrices que si chacun avait sa propre femme. Et cela peut contribuer à expliquer ce qu'on appelle l'oliganthropie de Sparte à l'époque classique, c'est-à-dire la diminution du nombre des hommes. Merci beaucoup Nicolas Richer, on aura beaucoup d'intérêt à vous lire dans votre livre qui fait une somme, pourrait-on dire, contemporaine, sur les travaux récents portés à la fois en archéologie mais aussi dans tous les domaines de la recherche chez Perrin, Sparte, Cité des Arts, des Armes et les Lois. Merci beaucoup, vous restez avec nous pour écouter un autre Nicolas Tran. Thank you. France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin. Une série de La Fabrique de l'Histoire qui commence autour de la question de l'Antiquité, très vaste sujet bien évidemment que nous ne parviendrons pas à traiter en 4 émissions. Et vous vous êtes attaqué vous-même, Nicolas Trane, à une grosse tâche pour Belin, 800 et quelques pages, à 3. Si Nicolas Richet s'est mis tout seul pour parler de Sparte, vous vous mettez à 3 avec Patrice Faure et Catherine Virlouvet qui dirige l'école française de Rome dans la collection Mondes Anciens sous la direction de Joël Cornette chez Belin, avec ce titre « Rome, cité universelle » de César à Caracalla, 70 avant Jésus-Christ, 212 après Jésus-Christ. Donc un gros volume de synthèse, pourrait-on dire, qui paraît avant le précédent. Parce qu'en fait, il y a 3 volumes sur Rome, mais vous êtes le premier à apparaître, en l'occurrence, dans cette grande collection des mondes anciens. Oui, d'une certaine manière, vous avez affaire ici au premier élément à paraître d'une trilogie. Et en fait, ce qui doit paraître à terme, c'est 2500 pages d'histoire romaine en 3 volumes. Et donc, nous sommes une équipe en fait de 5 historiens à travailler à cette trilogie, à échanger périodiquement. Et comme nous étions 3 pour ce volume, nous avons été les premiers à accomplir notre tâche. Mais le premier volume qui présentera Rome de la naissance de la cité à 70 avant Jésus-Christ devrait paraître en 2019. Alors, ce titre « Rome, cité universelle » nous plonge dans un moment particulier, la fin de la République romaine, mais vous expliquez que vous avez choisi une autre borne chronologique que celle qu'on utilise habituellement. Vous commencez en 70 avant Jésus-Christ et vous allez jusqu'en 212, donc avec l'édit de Caracalla, très renommé pour avoir rendu citoyen de l'Empire tous ceux qui vivaient sur le sol de l'Empire. Ce Rome cité universelle, c'est un large propos de passage justement de cette République romaine à cet empire, qui est vraiment le cœur de cet ouvrage, magnifiquement illustré, comme toujours dans cette collection chez Belin, et qui surtout fait le point sur les recherches, en particulier les recherches contemporaines, sur ce qu'est un empire. Parce que ce modèle impérial est utilisé aujourd'hui un peu partout pour expliquer des formes contemporaines, pourrait-on dire, et à chaque fois, on revient à ce modèle de Rome pour comprendre ce qu'est un empire. Or, vous ne titrez pas l'empire universel, vous titrez cité universelle, Nicolas Trane. Oui, alors ça mérite quelques explications en partant des bornes chronologiques. Et c'est ce choix des bornes chronologiques revient à Catherine Virlouvet, qui les avait choisies avant même de prendre contact avec nous et de proposer de contribuer à cette aventure. Disons que le réflexe un petit peu pavlovien aurait consisté à faire un premier volume sur Rome de la royauté à la fin de la République, faire un volume ensuite sur les 3 premiers siècles de l'Empire, pour enfin faire un volume sur l'Antiquité tardive à partir du 4e siècle. Découpage classique. Voilà. Alors, et donc, notre objectif a été un petit peu de déconstruire ce découpage classique pour non pas briser des codes pour le plaisir de les briser, mais pour déplacer un peu le regard. Et donc 70 avant Jésus-Christ, c'est une date importante du point de vue de la diffusion de la citoyenneté romaine. C'est le moment où s'ouvre le premier recensement des citoyens romains où ont été appelés à participer tous les hommes libres d'Italie. Donc c'est le moment où la citoyenneté romaine devient universelle en Italie. Et puis, vous l'avez dit, 212, c'est l'époque où, c'est le moment où la citoyenneté romaine devient universelle dans tout cet empire absolument, absolument gigantesque. Et entre les deux, on étudie, en fait, ce processus de diffusion très progressif de la citoyenneté romaine. Et quel est le rapport avec la cité universelle? Eh bien, c'est que, en latin, civitas veut dire à la fois cité et citoyenneté. Donc, cette cité universelle, c'est celle qui est partagé par des hommes libres vivant dans tout l'Empire qui se reconnaissent dans une commune patrie qui est Rome. Et ça, c'est l'originalité de l'Empire romain de cette époque. Victor Massé de l'Épinay. Et vous insistez aussi sur cette diffusion, non pas de la citoyenneté, mais du modèle de la cité, du modèle de la cité romaine, qui se diffuse peu à peu dans tout l'univers romain. Un modèle qui est aussi porteur de valeurs, les valeurs de la cité romaine, et qui est peut-être une des clés de ce qu'on a appelé, de ce qu'on appelle depuis longtemps la romanisation, même si les débats autour de cette notion sont aussi vieux que la notion elle-même. Les valeurs de la cité romaine, c'est peut-être ce qui se diffuse à ce moment-là. Quelles sont-elles, ces valeurs? Alors, vous dites cité romaine, alors, et valeur de la cité romaine. Et tout le problème est de savoir si cette cité est romaine ou si elle est autre chose. Et donc, vous le savez, le débat sur la romanisation et sur la romanité est absolument miné. Il y a des collègues, notamment anglais, américains, qui refusent ce terme de romanisation, donc le terme de romanité. Disons, la cité, c'est un cadre de vie qui, il est vrai, se diffuse, devient presque universel dans l'Empire de Rome. C'est-à-dire que Rome dirige un empire qui est et qui devient de plus en plus une somme de cités. Mais ce modèle de la cité, Nicolas Richer le sait bien, Rome se l'est approprié, et Rome a connu une hellénisation très forte qui a fait que le modèle romain de la cité a évolué, s'est mélangé, et au point que je ne sais pas si ces cités de l'Empire sont des cités construites sur un modèle de la cité romaine. C'est un modèle, méditerranéen, qui devient un trait commun au sein de l'Empire. Héléno-romain, pourrait-on dire aussi, parce que effectivement, oui, le modèle grec est bien sûr derrière. Vous insistez beaucoup, et c'est un passage fort intéressant de votre livre collectif Rome, cité universelle, sur les savoirs géographiques, les savoirs de mesure, sur les explorateurs, tous ceux qui, d'une certaine façon, ont permis cet agrandissement, pas simplement par les armes, mais là, par la connaissance, pourrait-on dire, de cet espace romain, mais aussi l'unification du territoire. C'est-à-dire, il y a des passages sur la poste, évidemment, impériale, sur tout ce qui va faire que les routes, vont permettre une bonne circulation d'un bout à l'autre de l'Empire, que on va pouvoir transmettre des messages à l'autre bout de l'Empire pour éviter, au moment par exemple des morts de souverains, des coups d'État ou des équivalents des coups d'État. Et également, on va donc tracer imperturbablement les mêmes lignes, dans les mêmes champs, enfin dans des champs très différents d'un bout à l'autre de l'Empire, mais à partir de la même géométrie spatiale, pourrait-on dire, Nicolas Trane. Alors, Rome, à l'époque que nous considérons, pense gouverner un empire universel, un empire mondial. Et une fois ce constat fait, il faut se demander ce que les Romains considéraient comme le monde. Quelles étaient leurs représentations du monde, donc quelles étaient leurs représentations géographiques. Et donc, pour les Romains, cet empire est mondial, dans le sens où il s'étend jusqu'à la limite des terres habitées, c'est-à-dire l'océan circulaire qui entourait l'oikoumène, les terres habitées, les terres connues. Et alors, les Romains ont effectivement exploré les limites de ce monde dans un souci de connaissance, mais aussi dans un souci d'édification de leur propre gloire. Mmh. Et parce que, évidemment, c'est... et puis, pour les grands généraux romains, c'est une manière de reproduire la geste d'Alexandre que de naviguer sur cet océan circulaire. D'ailleurs, vous revenez souvent sur cette idée de l'outre-mer. C'est-à-dire, et cette idée est formidable, effectivement, de penser qu'il faut traverser la mer, et donc il faut que la mer vous appartienne en même temps, et qu'elle soit sûre pour pouvoir aller de l'autre côté de la mer. Oui. Et... et les victoires sont emportées sur terre et sur mer, et sur tous les peuples, et puis pour imposer l'empire sur l'univers tout entier. Donc il y a cette espèce de mégalomanie romaine, mais qui se comprend mieux si l'on s'intéresse aux représentations géographiques des Romains, et si on prend conscience que ces représentations changent, justement les représentations de l'empire changent vers 70 avant Jésus-Christ, à la fin de la République, puis à l'époque augustéenne, c'est l'époque où l'Empire devient conçu comme un territoire. Alors que au début de la période, c'était un pouvoir. C'est un pouvoir qui s'impose à des peuples, à des communautés. Et alors pour ces peuples et pour ces communautés justement, qu'est-ce que c'est qu'être romain? C'est aussi une des questions qui traverse toute la période que vous couvrez dans ce livre. Qu'est-ce que c'est qu'être romain pour un citoyen qui va devenir effectivement citoyen romain à l'édit de Caracalla, mais qui est auparavant vit dans un territoire soumis par Rome? Qu'est-ce que c'est que Rome? Qu'est-ce que c'est que le monde? Alors être romain pour quelqu'un qui devient citoyen romain, c'est appartenir au peuple vainqueur. C'est donc un signe de prestige, c'est un élément de prestige au sein des sociétés locales. Et jusqu'à l'édit de Caracalla, être romain, devenir citoyen romain, c'est obtenir un privilège, et le plus grand privilège qu'on puisse recevoir de l'État qui gouverne le monde. Et c'est en cela que l'édit de Caracalla marque un point de rupture. C'est un point d'aboutissement parce que c'est l'aboutissement d'un processus de diffusion de la citoyenneté, mais c'est un point de rupture parce que à partir de 112, la citoyenneté romaine n'est plus un privilège. C'est la condition commune des hommes libres. Donc être romain dans les sociétés locales de l'Empire, c'est être un notable. C'est être distingué des pérégrins, de ceux qui sont considérés comme étrangers mais soumis à l'Empire. Mmh. Et donc c'est pour cela que c'est une source de prestige avant tout d'être romain. Dans ce gros ouvrage chez Belin, donc Rome, cité universelle, que vous avez écrit avec Patrice Faure et Catherine Virlouvet, Nicolas Trane, vous insistez dans plusieurs passages sur la difficulté de vivre sous l'Empire romain. On a cette idée effectivement d'un empire glorieux, mais c'est un empire où on meurt très tôt, très jeune la plupart du temps, une mortalité considérable, pas simplement en couche, pas simplement lorsque l'on est bébé ou jeune enfant, mais disons que la durée de vie est assez limitée, avec une mortalité considérable, et donc effectivement qui n'est pas si sûr que cela, alors que l'Empire, l'image que l'on s'en fait, c'est la sûreté pour tous ceux qui vivent à l'intérieur de ses frontières. Alors, vous faites allusion à un chapitre qu'on a appelé « Vivre sous l'Empire des Césars ». À l'origine, il y a plusieurs années, on avait pensé intituler ce chapitre « Auguste et 60 millions de Romains ». C'était une paraphrase du fameux livre de Pierre Goubert sur Louis XIV et 40 millions de Français. Voilà. Et puis on s'est dit que ça ferait peut-être... c'était une allusion un petit peu entre Happy Few et qu'il fallait... Bref, on a changé le titre, mais on s'est effectivement essayé à transmettre les recherches en démographie historique sur l'Empire romain. Alors, ce sont des recherches qui parfois semblent un peu désespérées parce que les sources sont très rares, mais on a quand même fait des progrès durant les dernières décennies. Il y a des territoires qu'on connaît mieux, comme l'Égypte romaine, où là on peut exploiter les papyrus sur les recensements, et où donc on peut essayer d'avoir une idée des grands équilibres démographiques, pour ensuite essayer de comprendre les implications de cette démographie dans la vie des familles, pour l'espérance de vie. Et donc on arrive à calculer des moyennes d'espérance de vie qui sont de l'ordre de 23-25 ans. Mais évidemment, c'est pas 23-25 ans qu'on mourrait le plus, c'était plutôt avant 10 ans. Et donc on essaie de montrer que cette présence de la mort, de la mortalité dans la vie quotidienne des habitants de l'Empire, en particulier des habitants de Rome, parce que c'est là où on connaît le mieux les choses. Mmh. Victor Massé-Dépinay. Vous avez évoqué tout à l'heure la notion de romanité qui était, dites-vous, minée. Comment est-ce qu'on fait quand on produit une somme comme ça pour intégrer ces notions minées, celle de romanité, celle d'impérialisme aussi, qui est aussi au cœur de ce travail? L'impérialisme, pour nous, ça évoque la colonisation, ça évoque la mondialisation peut-être aujourd'hui, et pour autant, il faut reprendre cette notion et essayer de lui redonner une signification antique, ou une signification un peu moins chargée de notre actualité. Alors, pour la romanité, là, c'est le problème un peu spécifique, parce que comme dans tous les volumes de la collection Mondes Anciens, on présente un atelier de l'historien en fin de volume, et donc on a consacré un chapitre à ces débats sur la romanisation et la romanité. Donc, une manière de déminer le terrain, c'est de faire de l'historiographie. Et de mettre en débat. Et de montrer que cette notion a évolué, et que les historiens ne mettent pas exactement les mêmes choses derrière les concepts qu'on utilise depuis les années 1880 et parfois au-delà. Et puis, globalement, ce que nous avons essayé de faire, c'est un état de l'art, tout simplement. C'est de montrer ce que les spécialistes de Rome considèrent comme acquis ou relativement solide aujourd'hui, et que le grand public ne connaît pas forcément. Et donc, il s'agit aussi de mettre de l'ordre dans une bibliographie, une historiographie foisonnante, et de le faire avec recul, distance critique, mais aussi avec une volonté de transmettre la teneur de ces débats sans forcément les trancher, parfois, lorsqu'ils subsistent. Alors, c'est ce qui est étonnant, et j'imagine que le volume qui suivra dans cette trilogie de la collection Mondes Anciens consacrée à Rome et à son empire, en parlera beaucoup plus, bien évidemment. C'est la faible part que j'ai repérée, mais ça s'explique sûrement, par exemple, de la question chrétienne, du christianisme. Il y a très peu de places laissées aux religions. Il y a des places, évidemment, laissées aux religions traditionnelles, à la religion des Romains, pourrait-on dire. Effectivement, le christianisme n'est pas encore dominant dans cet empire romain, mais il tente à le devenir progressivement. Et je me suis dit, tiens, c'est un choix sûrement d'avoir laissé si peu de place à cette question du christianisme, parce que le volume suivant en parlera beaucoup, puisque ça sera la christianisation de ce même empire. Oui, alors, mais nous ne sommes pas partagés le christianisme de manière si ouverte, et on y consacre quand même une vingtaine de pages. Mm-hmm. C'est vrai que c'est pas énorme dans un ouvrage de 870 pages, mais je crois que ce sont des pages tout de même importantes, parce qu'on n'a pas voulu traiter du christianisme à part, mais l'intégrer en fait dans l'ensemble des religions. Des religions, et dans une sous-partie qui traite de phénomènes religieux qui dépassent les communautés locales, justement. Et ce chapitre sur les religions, on l'ouvre par une citation de Cicéron qui dit « Chaque peuple a sa religion, Laelius, nous avons la nôtre ». Et ça, c'est une phrase qui montre chaque bien... Chaque cité a sa religion, oui. Laelius, nous avons la nôtre. Oui, voilà. Et donc, ça montre bien le caractère communautaire des polythéismes antiques. Chaque peuple a sa religion. Et ce qu'on essaye de montrer dans les 20 pages sur le christianisme, c'est qu'au terme d'une évolution, de débats internes très forts, eh bien, le christianisme devient... En fait, l'exact négatif de cette phrase, avec les propos de Paul, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs, tous les hommes sont unis dans le Christ. Catholicos, donc, effectivement. Oui, et donc, il y a ce caractère révolutionnaire du christianisme antique qu'on essaye de mettre en valeur comme quelque chose d'exceptionnel aussi dans l'Empire. Voilà, donc ça s'appelle « Rome, cité universelle » de César à Caracalla. C'est dans la collection Mondes Anciens, excellente collection de chez Belin, signé Patrice Faure, Nicolas Trane, Catherine Virlouvet. C'est un très gros ouvrage de 870 pages, magnifiquement illustré avec des cartes, avec de magnifiques illustrations, et on s'y retrouve très facilement, qui coûte 49 € en librairie. Demain, on continuera à parler de cette antiquité avec vous, Victor Massel d'Épinay. Oui, demain, nous serons au musée de la Romanité qui vient d'ouvrir à Nîmes. Nous y étions un petit peu avant l'ouverture. On a essuyé les plâtres, on pourra dire, avec les conservatrices de ce musée. Voilà, et donc on écoutera cette promenade dans ce nouveau musée, donc le musée de la Romanité, en deuxième partie de notre série consacrée à l'Antiquité. Mercredi, nous rendrons un hommage appuyé à celui que nous aimons bien ici, à la Fabrique de l'Histoire, Christian Goudineau, et nous parlerons des Celtes et des Gaulois avec des gens qui l'ont bien connu. connus. Et jeudi, ben, nous rendrons compte de ces états généraux de l'Antiquité qui se tiendront en toute fin de semaine. Vous y serez à ces états généraux de l'Antiquité, Nicolas Richer ? Oui, bah effectivement, merci beaucoup. C'est une occasion qui va être donnée non pas seulement au monde universitaire, mais aussi à toute personne intéressée par l'héritage de l'Antiquité, notamment l'Antiquité classique. Ce sera une occasion donc de réfléchir à la façon dont on peut tâcher de résister à une tendance générale qui pourrait être celle d'un engloutissement, mais nous sommes convaincus que la flamme de l'Antiquité ne doit pas s'éteindre et qu'elle ne s'éteindra pas. Oh, ça, c'est on dirait un discours, une péroraison d'un discours grec ou romain. Merci beaucoup à vous, Nicolas Richer. Je rappelle, vous êtes auteur de Sparte, Cité des Arts et des Armes et des Lois. Et donc, l'autre livre dont nous avons parlé ce matin, c'est Rome, Cité universelle, chez Belin. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Aurélie Marseille, Francesca Fossati, Inès De Bruyne était avec nous à la technique et Marie-Laure Ciboulet à la réalisation. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission ainsi que toutes les autres, les émissions du bac par exemple qui permettent de préparer le bac, c'était la semaine dernière, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, franceculture.fr. Vous pouvez également discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter. Notre adresse Twitter c'est Fabrique FC, Fabrique FC.